Ça va. Bon, Johnny commence à s'impatienter. Ils sont prêts les guitaristes solo là? Les guitares héros? Non, parce qu'il y a du monde. Hein. Allez, j'y vais. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai. Thank you. Romantique 2000. Oula, micro qui sature. Je dédie cette chanson à Natatia. Cette chanson est dédiée à... Comment ça s'appelle déjà, ma femme? Natatia. Ah, je sais plus quoi. Un petit Cendrillon pour faire plaisir à Titi. Cendrillon, pour ses 20 ans, elle a plus joli tes mamans. Son bel amant, vachement, la prend sur son cheval. Pas les paroles de Cendrillon. Cendrillon. J'aime bien, mais pour chanter. Non. Titi, oh, sinon tu changes. Toujours ce passage là. Elle oublie le temps.